ceux qui ont reconnu le thème de l'émission Rock de Neurones, eh bien oui, nous sommes en onde pour une sixième saison d'affilée. Et c'est Rock de Neurones et la musique thème de l'introduction, mais c'est extrait de l'album Philona and Sorona de Léormé. Ça, ça date de 1973. Et c'est ce qu'on aura tout le long de la saison, du rock progressif classique, du rock progressif, des nouveautés. D'ailleurs, aujourd'hui, les trois premiers blocs de l'émission sont meublés par des nouveautés. Et le dernier bloc de l'émission est consacré à Gentle Giant pour une raison bien précise. C'est qu'on aura la visite de la formation québécoise JJ Project ce samedi 15 septembre à la salle Anaïs Rousseau. Et pour l'occasion, eh bien, j'ai décidé de dédier un bloc au complet. Alors, le premier bloc de l'émission, comme à l'habitude, est dédié à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, ben, c'est Fido. En fait, c'est Fido, P-H-I-D-E-A-U-X. C'est un groupe californien qui œuvre depuis 1992. En fait, Xavier Fido, qui est le musicien fondateur de ce groupe-là, a fait un album homonyme en 1992 et ça a pris 11 ans avant que le premier groupe de Fido sorte. C'était Fiendish. Et aujourd'hui, bien, on a le 10e album qui vient de paraître. C'est un album double. L'album s'intitule Infernal. Et c'est le troisième de la trilogie qui a débuté en 2006 avec The Great Leap. Et ça a été suivi en 2007 par Doomsday Afternoon. Et il nous revient 11 ans plus tard avec la fin de la trilogie et un album double. Il n'a pas chômé dans les 11 ans, par contre. Il nous a sorti deux albums de qualité, Number 7 et Snow Torch, qu'on a entendu à l'émission dans les années précédentes. Deux albums phares du rock progressif américain. Alors, je reviens à Infernal. C'est un album double qui comprend 19 chansons. Ça totalise quand même 89 minutes. Et c'est un album qui est très bien classé. D'ailleurs, si vous voulez lire un peu sur le sujet, j'ai fait une chronique et je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones pour avoir accès à l'hyperlien qui vous amènera à la chronique. J'ai bien coté, je vous donne une petite primeur, là. C'est un album qui est au-dessus de 9 sur 10. Alors on va débuter avec 6 extraits du CD numéro 1 de l'album Infernal. Of all we saved, the moment. the darkness that's begun. Oh, speak for everything. The world at war, the stolen spring. Winds that rage across the plain, in silence and in pain. Who will weep for what we've lost? Glaciers melted, permafrost. For sands that trespass far from home, to choke all that we've known. To choke all that we've known. Time.

Alors, c'était Fido avec 6 extraits de son plus récent album Infernal. Ce sont 6 extraits qui ont été tirés du premier CD parce que l'album est double. Alors, ça me fera plaisir d'ici un avenir rapproché de vous présenter le deuxième CD. Alors, après la pause, 3 nouveautés américaines avec Cell 15, A Perfect Circle et Big Something. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Bien entendu, c'est Rock de Neurones pour une sixième saison. Et au bloc numéro 2, je vous propose 3 nouveautés américaines. La première, c'est le groupe Cell 15. C'est un groupe qui est quand même assez récent. Ils ont 2 albums à leur actif. Et moi, je vous propose la pièce titre de leur plus récent. Et ça s'intitule River Utopia. Ça va être suivi par le groupe A Perfect Circle. C'est un groupe qui existe depuis plusieurs années. Ils ont été absents de la scène d'enregistrement pendant 14 ans. Ils viennent de faire sortir leur 4e album qui s'intitule Eat the Elephant. Et je vous propose la pièce The Contrarian. Et du côté américain, toujours américain, on a une nouvelle formation du nom de Big Something. Et l'album s'intitule The Other Side, ça vient de paraître, et je vous propose 2 pièces, Cosmic Dust et Plug. Alors, on y va tout de suite avec Cell 15. We'll be right back. Oh, Alors, c'était la formation américaine Big Something et deux extraits de l'album qu'ils viennent de sortir, The Other Side. Et ça a été précédé d'une autre formation américaine, A Perfect Circle. Et on a entendu la pièce de Contrarian tirée de Eat the Elephant, leur plus récent album. Et en début de bloc, nous avions Cell 15 et la pièce titre de l'album River Utopia. Alors, après la pause, le groupe français La Marmaille, le groupe grec Mother Turtle et nous aurons le groupe norvégien Gazpacho. Vous Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, ça continue et nous avons du côté de la France un groupe assez méconnu que j'ai découvert cet été. Le groupe, c'est La Marmaille. Ils existent depuis 2007. J'ai trouvé 4 albums dans leur discographie. C'est pas très compliqué à retenir. C'est La Marmaille 1, La Marmaille 2, La Marmaille 3 et La Marmaille 4. Alors, on entendra un extrait de ce dernier album. Ça s'intitule Tzofé. C'est difficile à... Je vais vous l'appeler, c'est T-Z-O-F-E-H. J'ouvre une parenthèse ici, si vous désirez avoir le libellé exact là, des pièces et des artistes et de toute l'information concernant les albums, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurone. Alors après La Marmaille, nous allons entendre un groupe grec, c'est Mother Turtle. C'est un groupe qui existe depuis 5 ans. Ils sont déjà rendus à leur 3e album, l'album s'intitule Z-Mice. Et on va entendre la pièce Z-Mice Part 1, Corn Hub. Et en fin de bloc, on va aller du côté de la Norvège avec l'illustre groupe Gazpacho qui viennent de produire leur 10e album studio. L'album s'intitule Soyuz. Et je vous propose la pièce Soyuz Out. Alors, on débute ça avec La Marmaille. Thank you. Alors, c'était Gaspacho de Norvège et la pièce Soyuz Out, et extrait de Soyuz qui est paru il y a quelques semaines. Et c'était le 10e album de Gaspacho depuis 2003. Et ça a été précédé du groupe grec Mother Turtle et on a entendu la pièce Z-Mice Part 1. Et ça, c'est extrait de l'album du même nom, Z-Mice. Et en début de bloc, nous avions la formation française La Marmaille avec un extrait de La Marmaille 4. Après la pause, un bloc dédié à Gentle Giant. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission Rock de Neurone pour cette nouvelle saison 2018-2019. Et le bloc sera dédié complètement à Gentle Giant et la raison est bien simple, c'est qu'on aura de la visite de Québec, la formation JJ Project. C'est un groupe de jeunes musiciens de Québec qui est un groupe hommage à Gentle Giant. C'est un groupe qu'on a vu ici à Trois-Rivières en juin 2016, il y a 2 ans. Et ils reviennent avec un spectacle là, à la salle Anaïs Rousseau. C'est le 15 septembre. Moi, je vais y être. C'est la 3e fois que je vois le groupe. Je suis complètement, en tout cas, satisfait du travail qu'ils font parce que Gentle Giant, c'est un groupe que j'ai suivi dans les années 60. J'ai même vu des spectacles. J'ai vu les spectacles de Three Friends récemment. Je ferme la boucle avec ces jeunes musiciens-là. Et je le conseille à tout le monde parce que c'est de la musique de haute voltige. Alors, pour souligner ça, moi, je vous présente 5 extraits de 5 albums différents des années 70 de Gentle Giant. On va avoir Wreck de Acquiring the Taste. On va avoir Prologue de Three Friends. The Boys in the Band de Octopus. Playing the Game de The Power and the Glory. Et on va conclure avec On Reflection de Freehand. Bien sûr, on aurait pu prendre une quantité incroyable d'autres pièces tirées de d'autres albums, mais on reprendra ça un petit peu plus tard. Alors, on débute ça avec Wreck. Ships rising up from the sea to the sky cries, hey, hey, yeah, hold on. Just one sorry scream and a desperate cry cries, hey, hey, yeah, hold on. Their lives pass before them before they die, hey, hey, yeah, hey, hey, hey, yeah, hey, hey, hey, yeah. The sea yawns around like a boiling head. Souls disappear with the toll of that bell cry. Hey, yeah, yeah, hold on. The arms of the sea, they are dragging them down. Hey, yeah, yeah, hold on. And sorrows and sins, they are lost as they drown. Hey, yeah, yeah, hey, hey, yeah, yeah, hey, hey, yeah, yeah. How strange when you think that the sea was their way. For their living was made from the deep, to their people in comfort and keep. People, the people and places there, never to be seen again, never to be loved, and their last embrace. And the kiss has a soul bitter taste. Your things that used to be. Thank you.

stay. Changing times, watching the changing signs. How? We'll be right back.